Mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'un des derniers représentants d'une classe appelée à disparaître. Vous autres petits artisans aux méthodes désuètes, travaillons avec d'anodines pinces, monseigneur, les tiroirs-caisses des petits boutiquiers. Nous sommes étouffés par les grosses entreprises appuyées par les banques. Est-ce qu'un passe-partout comparé à une action de société anonyme? Est-ce que le cambriolage d'une banque comparé à la fondation d'une banque? Est-ce que tu es un homme comparé au fait de lui donner un travail rétribué? Sur ces paroles, mes chers concitoyens, je prends congé de vous. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Certains d'entre vous m'étaient très chers. Que Ginny m'ait dénoncé, cela m'étonne beaucoup. J'y vois là la meilleure preuve que le monde reste égal à lui-même. C'est un concours de circonstances malheureuses qui a provoqué ma chute. Bon, je tombe.